réciproquement. Cet amour me hante tous les jours de ma vie. Sans lui, tout est vide. À chaque instant de ma vie, je me souviens d'un visage, d'une lumière qui filtre la terre. Et réciproquement, cet amour me hante tous les jours de ma vie. Sans lui, tout est vide. À chaque instant de ma vie, je me souviens d'un visage, d'une lumière qui filtre la terre tout entière. Tes amours sont ineffables, leurs souvenirs sont mémorables. Tes amours sont ineffables, leurs souvenirs sont mémorables. En moi, je découvre la flamme qui brûle encore.